Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, 0h41, donc vous pouvez toujours nous appeler pour les débats du jeudi, donc au 0803 08 5000 et 0870 5000, toujours l'IRC www.funradio.fr. Oui, tout à fait, 1782,6 connectés quand même. C'est bien. Okay. C'est et donc bien. N'essayez pas d'appeler sur le Minitel, il ne fonctionne pas, donc on va remercier Tony de l'IRC pour ce que j'avais demandé à Rigaud qui a été fait, donc je remercie Tony en passant. Voilà. Et on accueille moi, Gérard, s'il te plaît, avant de commencer, j'ai une dédicace à faire, une dédicace à Sandy. Et toi la grosse, debout espèce de pédias là, tu vois pas que les autres s'amusent là, allez debout, viens avec nous, car ça y est. On va commencer, on va accueillir Gemma Lopez, 21 ans, de Valence. Ça va ? 98.8. Ouais. Bourdon, 20 ans, Paris, 101.9. Ouais, mais respect d'histoire, Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Suslamois, 23 ans, Damien, on écoute Fun Radio, 91.8. Quand tu veux, Gérard. Astico, tu commences pas, s'il te plaît. Merci. Astico, 18 ans, Pontivy, on écoute Fun Radio sur 94.1. Bonsoir, Gérard. Prout, 25 ans, Toulouse, 105.9. Bonsoir, Gérard. Et Tekel, d'Arcachon, 22 ans, on écoute Fun Radio sur 92. Salut, José. Sur 92, voilà, terminé. Donc, on attaque sur les catastrophes naturelles. Alors, la première question, comment se déclenche une tempête? On va demander à Stico. Attends, tu peux passer à quelqu'un d'autre parce que là je suis en train de mettre mon tampon et puis. D'accord, alors si ça commence comme ça, ça va pas aller, alors on va prendre 6 mois là. Oui, comment ça commence une tempête? Oui, comment se déclenche une tempête? Je sais pas, t'appuies sur un interrupteur ou je sais pas. Mais non. Qui c'est qui veut répondre? Bah, c'est Bourdon. Ouais, bah vas-y. Ouais, alors je fais des études de météorologie. Mmh. Et alors, bah il faut savoir qu'il y a des nuages. Alors t'as des cumulonimbus et des cumuloanus, ok? Deux types de nuages bien différents. Mmh. Et quand t'as le cumulopinus qui rentre dans le cumuloanus, ça fait une différence de température et ça fait un orage forcément. D'accord, mais tu... tempête. Oh, Bourdon. Oui. Tu parles bien devant ton micro, tu t'éloignes pas quand tu parles, ok? Ouais, mais ça, c'est à cause des ailes. Ouais, ben. on va demander à. Gemma Lopez. Ouais, bah, en fait, les tempêtes, c'est à cause des courants d'air, quoi, parce que parfois, ça fait du vent. Mmh. Et quand il y a beaucoup de vent comme ça, et ben, ça fait beaucoup de vent et ça peut faire des tempêtes, quoi. D'accord. Et parfois, ça, ouais. Ouais, mais dans ces cas-là, tu fermes la fenêtre et puis c'est bon. Ouais, mais il faut le dire aux gens qu'il fait un athlète, mais si jamais il y a beaucoup de courant d'air dans le monde et ça fait des tempêtes, quoi. Bah, fermez les fenêtres alors. Hein, alors les fenêtres. Ouais, il faut fermer les fenêtres en fait. Quoi. Astico, ça c'est peut être dangereux, quoi. Astico. Ouais, ça y est, donc j'ai fini de le mettre. Donc la question c'est comment se déclenche une tempête, c'est ça? Ouais. Parce que je vais pas m'amuser à les répéter, alors vous écoutez bien quand je pose les questions. D'accord, hein. Gérard. Ouais, je l'ai bien écouté, hein, la preuve. Alors vas-y. Alors, bah, une tempête c'est très simple, c'est dû à une différence de température. Mmh. C'est-à-dire que quand il fait chaud chez toi, tu ouvres la fenêtre pour que l'air rentre. Ouais. Et quand il fait froid, tu la refermes. Et quand il fait vraiment très très chaud, tu ouvres les deux. Et là, ça fait un courant d'air. Et là, il y a un choc thermique et la tempête arrive. Prout. Moi, je crois que c'est par rapport à l'atmosphère, quoi. Hey, celui qui s'amuse à faire des conneries derrière va se calmer parce que ça il va pas rester longtemps, celui-là. Ouais. Alors, Prout, pour continuer. Bah, moi, je pense que c'est l'atmosphère avec le vent, tout ça, quoi. Mmh. Ben voilà quoi, sinon moi je sais pas trop, donc je réponds ce que je sais quoi. D'accord, t'es quel? Ben moi je pense qu'au contraire une tempête est déclenchée par une volée. Oh, tu te calmes derrière s'il te plaît, merci. Laissez-moi parler, vous avez déjà parlé, donc c'est bon hein. Hey, Gemma Lopez, entre Gemma Lopez et Bourdon, là, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Hein. Au contraire, c'est déclenché par une violente perturbation atmosphérique et le vent peut souffler à... Ce qu'il faut savoir, c'est que le vent il peut souffler de 1802 km par heure. Ok. Moi, j'ai pu voir à peu près sur un dictionnaire, donc c'est une violente perturbation atmosphérique sur terre ou sur mer, exactement. Plus pour... pour approfondir la question. Donc, tout le monde a répondu apparemment, donc c'est bon. Alors, la deuxième question, IRC. Oui, vite fait, il y a Jarvis Cooker qui te demande quelle est la différence entre une catastrophe naturelle et une catastrophe surnaturelle. Je vois pas du tout ce que ça peut faire exactement. Il faudrait que je me renseigne sur ça pour faire les deux. Alors, deuxième question. Un orage peut-il provoquer une catastrophe arbre arraché, toiture ou voiture qui s'envole? Ou autre, bien sûr. Ouais. Attendez, avant que vous répondiez, parlez... Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là. Voilà, on a des petits sondages. Que pensez-vous des catastrophes naturelles? Alors, il y a 40% des Français qui n'en veulent pas chez eux. Mm-hmm. Il y a 20% de Français qui ne savent pas ce que c'est. Mm-hmm. Donc, pour eux, c'est con, parce que 20% de Français qui ne savent pas ce que c'est, ben, c'est ouais. Dommage. Hein. 18% des Français n'ont pas compris la question, donc ça... Ça, c'est comme d'habitude, ça m'aurait étonné les trucs. Non, mais il y a toujours des Français qui comprennent rien. Ouais, non, mais de manière, c'est bien, parce que même sur le deuxième débat, c'est pareil. Mais non, mais le Français est con, c'est tout. Non, ouais, mais de manière, il n'y a pas que le Français qui est con, hein. Nuance. Il y a 15% des Français qui aiment être naturels sans être des catastrophes. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur la première question. Mm-hmm. Donc, alors, deuxième question. Donc, je pense que tout le monde a pu entendre. C'était quoi déjà? Alors, un orage peut-il provoquer une catastrophe? Arbre arraché, toiture, voiture ou autre? Mm-hmm. Et on va demander ça à J'ai mal aux fesses. Ouais, ça dépend où est-ce qu'il tombe. Si il y a une tension de voiture, des trucs comme ça, ça peut aller des trucs comme ça, mais sinon, c'est bien. Ah bon, c'est bien pour toi? Non, mais en fait, ça dépend des fois, parce que jamais ça tombe sur une voiture, et si jamais ça peut le faire, quoi. Non, mais, attends, quand on parle de toiture arrachée ou des arbres, c'est carrément le truc qui s'abat carrément sur la route. Hein. Attention, les arbres, c'est ce qui s'abat sur la route. Ouais, voiture, je pense que vous avez... Mais non, mais parce que sinon, l'arbre peut tomber sur la voiture, mais sinon, ça dépend de la force de l'orage, quoi, si tu veux. Mmh, ok. Avec moi. Ouais, je pense, peut-être. Bourdon. Ouais, c'est clair que ça peut arracher des trucs. Regarde-moi, avant, j'habitais au 8e étage. Bon, Fildar, tu mets à ton micro, s'il te plaît, merci. Parce que t'as pas besoin de faire de conneries derrière. Oui, mais si t'écoutes, c'est Fildar qui fait le con. Regarde, avant, moi, j'habitais au 8e étage. Il y a eu un ouragan, et maintenant, mon immeuble, il s'est cassé la gueule. J'habite au 4e sous-sol. Donc, c'est clair, ouais, ça peut arracher des gros trucs. Par contre, un des avantages des ouragans, c'est que ça enlève la pollution. Mm-hmm. Okay. Ça fait un bon courant d'air, et au moins, il n'y a plus de pollution. Donc, en fait. Non, mais attends, on parle des catastrophes. Celui qui s'amuse à faire ça, arrête! Bourdon, je te préviens tout de suite que c'est pas. Mais attends, ton c'est pas truc, je vois pas le. Bah, bon, et celui qui fait ça, là, il arrête maintenant, ok? Ouais, je sens que ça va mal se terminer là. Hein. Non, celui qui fait ça, il arrête. Suce-moi là pour continuer. Quand tu veux. Au lieu de dire quand tu veux, tu réponds à la question et tu t'écrases. Cochonne. Les tempêtes, c'est quoi les... Ah oui, ça arrache plein de trucs. Et on s'en fout, quoi. On est remboursé des assurances, donc... C'est ça. Tu crois que les assurances, ils vont rembourser les arbres arrachés, toi? Exactement. T'as vu jouer ça dans Spirou Magazine ou dans Tintin, toi? Astico. Ça mord. Évidemment, les orages, ils ont tellement une force dramatique, je dirais, mais ça peut être bénéfique pour certaines personnes, parce que imagine quelqu'un qui veut revendre sa voiture. Il n'y arrive pas, d'accord? Attends, Astico. Qui c'est qui a un téléphone pourri comme ça? Ouais. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Je vais vous expliquer. Le standard, ça fait ce bruit-là parce qu'il y a trop de lignes ensemble. Si j'en mets plus qu'une, là, ça le fait plus. Ouais, mais alors, plus j'en mets, plus ça fait ce bruit-là. Donc, c'est la technique, hein, on n'y peut rien. Ok, donc, Astico, tu voulais dire? Ouais, imagine que tu veux revendre ta voiture. Mmh. D'accord? Tu n'y arrives pas pour X ou Y raison. Ouais. L'orage s'abat sur ta voiture. C'est bon, Gérard, j'ai expliqué. Ouais, ça y est. Tu peux répéter pour moi, j'ai rien capté. Non, bah, t'as rien capté, T'es naze, c'est tout. C'est tout. Donc, tu disais que tu voulais revendre ta voiture pour X raisons, donc tu peux pas la revendre parce qu'elle est. Elle est carrément écrasée par un arbre. C'est ça ta réponse? Absolument pas, c'est pas ça du tout. Ouais, non, mais on va quand même pas s'éterniser sur une question comme ça. Ah hein. Oui, mais si tu me laisserais finir. Bah ouais, bah alors vas-y. Accouche. Alors, imagine, t'arrives pas à vendre ta voiture. Il y a un orage qui s'abat dessus. Mm-hmm. Donc forcément, t'es remboursé par l'assurance. Ouais. Ça t'évite de la vendre parce que t'y arrives pas. Ouais. Tu touches le pognon et puis voilà. D'accord, mais ta bagnole, une fois qu'elle est écrasée par un arbre, normalement, t'es bon, elle est bonne pour la casse. Mais oui. Voilà. Alors, non, ça te fait une voiture de sport. Non, mais la bagnole, elle est carrément écrasée par l'arbre. Hein. Ça te fait même pas une voiture décapotable. Hein. Ou alors, t'as une voiture avec un arbre dedans. Si ouais, ben, ça te fait carrément un amas de ferraille. Prout, attends, Prout, ouais. Oui, sur l'IRC, il y a le chien qui te demande si tu as peur de l'orage. Non, pas du tout. Et pourquoi? Ben, de toute manière, il y a certains trucs qu'il faut éviter de se protéger, de pas se mettre sous les arbres quand il y a des orages et, ou autres. Je croyais que ça protégeait de l'orage, justement. Non, pas du tout, parce que normalement, c'est bien déconseillé de se mettre sous un arbre. Ouais, il y a un parasol qui protège de l'orage. Non, plus. Non, il y a des trucs prévus exprès, ça s'appelle un paratonnerre. Ouais, tu crois qu'ils vont mettre un paratonnerre sur un arbre, toi? Mais non, mais pour protéger... Mais bien sûr. Écoute, mais bien sûr. Pour protéger de l'orage. Bon, Prout, mais... s'il te plaît, tu réponds à la question. Bah écoute, moi, je pense que c'est bénéfique pour certains pays, parce que même si ça arrache des trucs, ceux qui ont besoin d'eau, et ben, ça leur fait du bien, les pays. Voilà. Alors là, je vois pas du tout la réponse à la question que je viens de te poser. Mais si, j'ai répondu. Non, mais attends, parce que là, ce que tu me dis, ça arrange les gens parce qu'ils ont pas d'eau, mais je vois pas du tout le rapport avec un arbre arraché, des toitures qui volent et des bagnoles qui sont écrasées. Non, mais si, franchement, moi je suis d'accord, c'est vrai que ça arrache des trucs, mais bon, je veux dire, c'est pas négatif sur tout le plan, quoi. Bon, t'es quel pour terminer? Ouais, donc ça suffit derrière. Avec un fort orage, bon, des dégâts considérables par les éclairs de pluie ou de grêle, comme des inondations, quoi. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Oui. C'est, qui c'est qui voulait rajouter quelque chose? Personne, c'est bien. Donc, ce que je veux dire là-dessus, de toute manière, on a fait le tour, mais je pense que là-dessus, des paratonnerres sur des arbres, ça n'existe pas chez moi. J'ai jamais vu jouer ça dans... Mais si. Non, ça n'existe pas, j'ai jamais vu jouer ça. Ta gueule, va te faire sauter, toi, connard, ok? Bon, Gérard, pour... Ah bah non, c'est trop tard. Alors, bonne nuit pour lui. Gérard? Oui? Il y a Davy One sur l'IRC qui te demande si tu connais la différence entre un typhon et une femme. Et en fait, il n'y en a pas. Dans les deux cas, c'est chaud et humide, et après, t'as plus de bagnole et plus de maison. Bon, ok. Ouais, c'est trop mal. Donc, on va poser la troisième question... Avant de faire le prochain sondage, parce que le sondage, il a rapport sur pour ou contre les catastrophes naturelles. Je ne vois pas pourquoi les pour ou contre, on en a ras-le-bol. Toujours dans les sondages. Bah, ouais. Alors, peut-on déclencher une éruption volcanique des mâles? On va demander ça. Peut-on déclencher une éruption volcanique chez les mâles? C'est quoi une éruption? Bourdon. Une éruption, tu sais pas ce que c'est? Non. C'est de l'acné? Bourdon. Non, mais c'est quoi une éruption? Une éruption volcanique, tu sais pas ce que c'est? T'as jamais entendu... T'as jamais entendu parler d'Aung Tazgat? Qui est plus là parmi nous. Il est où? Et qui est mort. Bon, qui est où? Il est mort, à Brutus. C'était le cousin de Cousteau. Bon, ça suffit, toi, avec tes conneries, donc je réponds à celui qui me demandait ça. J'ai mal aux fesses. Donc, alors, une éruption volcanique, c'est un volcan qui se déclenche. Ouais, GG. Ok. Voilà. C'est alors, Bourdon. Bourdon. Ouais. Je voudrais dire que toi, tu me déclenches pas mal d'érections volcaniques, c'est clair. Mm-hmm. Et je voulais dire que des fois, ça entraîne aussi des tremblements de terre. Et je voulais savoir si toi, t'avais déjà vécu des tremblements de fesses. Pour répondre à ta question, t'es... N'importe quoi. Lui commence à m'énerver. Hein? Donc pour répondre à ta question qui tient pas debout, je vais te répondre tout de suite que j'en ai rien à foutre de ce que tu m'as dit. T'as jamais vécu de tremblement de fesses? Non, pas du tout. Pourquoi? Alors, si tu dis des conneries comme ça, mon pote, tu vas retourner voir Pildar et tout de suite. Voilà pourquoi. C'est pas une connerie, c'est des raisons de raser. Ouais, c'est ça, t'as raison, fous-toi bien de ma gueule. Tu retournes voir Pildar, il va te mettre au parfum. Gigi, moi j'ai un petit fait divers qu'on a reçu cet après-midi, tu vas me confirmer ou pas. On a appris que Monsieur Haroun, ta mère, a découvert le plus gros, le plus touffu et le plus dévastateur des volcans. Il l'a découvert à Suresnes sous un pantalon en cuir. Et il paraît qu'il appartenait à une certaine Sandy. Qu'est-ce que t'en penses? Alors là, je vais te dire une chose, le prochain coup que tu dis une connerie comme ça, tu rentres chez toi tout de suite, toi. Mais je t'emmerde avec tes conneries. Allez, Manu. Ok, Manu, je te signale. C'est la dernière fois que tu me sors ça à l'antenne. Mais c'était pour que. Non, mais moi je te dis que c'est des conneries. Alors tu recommences. Encore fais une connerie comme ça. Okay. Tu sais où tu vas aller? Tu dégages. Tu vas aller chez toi. Ok. Ok. Ok. Je te dis de te calmer tout de suite. Ok. Elle a la chatte en feu. Alors, c'est ce mois-là. Elle a la chatte en feu, moi je te le dis. Qui c'est qui parle là comme ça? Non, c'est bon. cela, Gérard. Donc vas-y pour toi. Pour moi, ouais, je suis d'accord. Sur sur les éruptions et les catastrophes. Non mais attends, t'as compris la question ou pas? Je me rappelle plus, donc j'osais pas trop te demander de la répéter, mais... Peut-on déclencher une éruption volcanique chez les mâles? Ah ouais, d'accord. Il faut expliquer, Gérard, pourquoi chez les mâles, parce que on avait vu ça ensemble. Ouais, non, mais ça, je l'expliquerai plus après. Bah non, parce que s'ils comprennent pas dès le début, ils peuvent pas répondre. Bah ouais. Alors vas-y, explique-le. De manière que ça soit chez les mâles ou chez les femelles, de toute manière, c'est strictement pareil. Je vois pas du tout pourquoi... Mais non, c'est la même chose. C'est les mêmes giclées, ouais. Et quand ça explose dans le caleçon, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Non, mais les éruptions volcaniques ne se font que chez les mâles. Mais pourquoi? Les volcans, on sait rien. Mais si, les volcans femelles, c'est pas fait pour faire des éruptions. Non, presque pas. C'est pas pareil chez nous. Bon, Astico. Oui, je suis là. Bon, tu réponds? Moi, à ta question, je pense que oui. Parce que je pense honnêtement que, bah, regarde, chez les femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont beaucoup plus chaudes. Donc, forcément, chez les mâles, ça peut faire effectivement partie des choses de la vie. D'accord. Prout? Bah, écoute, moi aussi, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Non mais ça c'est pas mal parce que je fais passer tous les premiers, les autres ils écoutent bien ce qu'ils disent, ouais. Et puis après ils vont dire je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, je cherche même pas dans le dico. Je cherche même pas. Manu, Rigaud. Oui, s'il te plaît. Il y a le chien sur IRC, vu que tu parles de mâles et des volcans, il te demande quelle est la femelle du volcan. Ça, j'ai pas cherché et je pense que ça existe pas. Et pourquoi? Donc, je sais pas. Ah bon. Et t'es quel pour terminer? Ouais, effectivement, je pense que oui, parce que les mâles sont plus énergétiques dans ce domaine, je pense. Qui, toi? C'est Si, toi, t'as déjà répondu au début, c'est tout. Ah bon? C'est toi qui m'as dit, je sais pas ce que c'est une éruption volcanique. J'ai répondu justement. Eh ben, tu vas répondre après, tu laisses. Tu laisses Tekel répondre. Ouais, laisse parler avec les barres. Bon, attends, le clébar, il t'emmerde, toi. Mais T'es quel, c'est un clé. Tu la laisses parler. Laisse parler Gérard. Tu la laisses parler, ok, vous la laissez parler, alors maintenant vous laissez parler les gens. Allez, vas-y, T'es quel. Ouais, donc je t'ai répondu, je pense que les mâles sont plus énergétiques dans ce domaine. Tu peux préciser le fond de ta pensée? Bah, quand ils font l'amour, ils sont obligés d'éjaculer, donc voilà. Ah, bah voilà. Ouais. Attends, la salope, à ton merde, toi. Ah, cochonne. Alors, j'ai mal aux fesses. Je pense que... Attends, c'est ce que tu viens de dire, salope, là, tu vas te calmer, toi. Non, mais c'est vrai, c'est une cochonne. Ouais, bah fais gaffe, Bourdon. Bah, elle parle de gicler de... C'est fond, normal, je suis comme vous, hein. J'ai mal aux fesses, pour terminer. Ça dépend des fois. Non mais attends, tu peux... C'est pas parce que tu parles le dernier que tu vas te dire ça dépend des poids, tu vas répondre comme il faut à la question. Bah, parfois. Bon d'accord, on a compris, j'ai mal aux fesses, apparemment t'as pas l'air de vouloir... Non mais je sais pas. Non mais c'est bon, il y a une question IRC, c'est tout. Moi ça dépend des fois, ça dépend parfois. Il y a une question IRC. Ouais, ça dépend. Bon, il y a Ziwi sur l'IRC qui te demande si un volcan peut se reproduire lorsqu'il est en érection. Non. Mais si. Ça peut pas se reproduire. Mais explique pourquoi, Gérard. Il éjacule alors. Le volcan. Comment? Ça sert à quoi qu'il éjacule le volcan? Non mais attends, qu'est-ce qui crache le volcan à ton avis? Bah du foot. Du feu. Ouais, il crache des pierres et de la lave. Ah non, c'est du sperme. Ouais, c'est ça, ta connerie, c'est quoi? C'est du sperme. Voilà. Alors, vous allez réfléchir à la quatrième. Un ouragan s'arrête-t-il de tourner les jours de fête? Samedi ou dimanche inclus, et on va s'écouter le petit puceau de Paris avec sa grosse, et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000, les 0800 78 5000. À tout de suite. Et voilà, vous venez vous êtes sur Fun Radio, il est 1h03 du matin, vous pouvez toujours nous joindre au 0870-5000 et 0800-375-000. Et toujours Rigaud qui vous attend sur IRC, donc vous pouvez toujours nous appeler sur l'IRC. Donc on... Ouais, je suis là. Là, non, on venait s'écouter... Fuldar avec ses 4%, donc ça suffit. Donc c'est pour ça que t'as pas le droit de dire Fuldar, vous êtes en standard. Merci. Et Fuldar qui est au standard, Manu à l'aria pour Fuldar. Voilà. Et donc on venait de s'écouter le petit puceau de Paris avec sa grosse. Et on va récupérer. Mais avant, je voulais donner un petit point sur la question numéro 2 qu'on avait dit. Peut-on déclencher une éruption volcanique chez les mâles? Moi, j'ai trouvé un truc là dans un dictionnaire. C'est un refroidissement brutal en, au contact de l'air ou de l'eau, de, du magma qui s'épanche d'un, qui s'épanche, ouais, de, que je dis bien, s'épanche d'un volcan. Voilà. Et on va récupérer, j'ai mal aux fesses. Ouais. Rebonsoir. Rebonsoir. Donc tu parles un peu plus fort devant ton, ton combiné, s'il te plaît, merci. Ça va mieux ? Voilà, Bourdon. Ouais, ça flotte, mon pote. Ok, suce-moi là. Ouais. Toujours là, Astico. Oui. Toujours là, Prout. Ouais, salut. El Tekel. Salut. Ouais, salut. Alors donc, un ouragan s'arrête-t-il de tourner les jours de fête, samedi ou dimanche inclus ? Donc on va demander à Gemma Lofès, comme ça il va pas me dire qu'après il n'a pas répondu à la question. En fait, il s'arrête la fin volcan déjà. Parce ouais. Que, hein ? Ouais, non, mais vas-y, je t'écoute. Il s'arrête à Saint-Volcan parce qu'il n'a pas le droit de tourner. Ouais. Et la Sainte-Tempête aussi. Ah, d'accord. Sinon, les dimanches, il ne peut pas s'arrêter. D'accord. T'as déjà vu des volcans, toi ? Un ouragan qui s'arrête de tourner, toi ? Bah ouais. Ah ouais, ben tu me diras quand est-ce que t'as vu ça ? Ouais, je t'appelle. Ouais, non, mais tu diras ça à Fildar et Fildar me retransmettra ta réponse. Hein. Ah, si tu veux. Ok. Bourdon. Ouais, moi je dis que les ouragans, tout ça, bah, comme tout le monde, ils sont syndiqués, donc il y a des jours où ils travaillent pas. Non, mais attends. Ouais. Quoi, il y a un syndicat. Ils non, non, mais attends. Avec les politiques, là, tout ça. Non, non, mais attends, c'est un débat sur les catastrophes naturelles, on parle pas de politique là-dedans. Oui, si, c'est la CGT et compagnie, tout ça. C'est d'accord, bah, si tu veux t'amuser à parler de politique, ça sera pas avec moi. Hein. C'est ce mois-là, donc. Ouais. Ils ont pas le droit de tourner le dimanche. Ouais, ils ont pas le droit de rouler le dimanche. Non mais attends. Non mais ça fait partie de la convention et ils ont pas le droit, c'est tout. Non mais je vois pas le rapport. Là vous êtes en train de me balancer des trucs politiques. Toi tu me balances les routiers. Attendez, il y a une question IRC avant. Ouais, il y a TNT qui te demande si il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Bah en principe oui. Non attends Gérard. Non mais attends, tu permets, on va laisser continuer. Mais attends, mais ça dépend des pays. En Angleterre, ils tournent dans l'autre sens. Il y a des pays où ils roulent à gauche. Et les tornades, c'est pareil, ils tournent dans l'autre sens. C'est normal, il faut le préciser. Non mais je pense que là, vous êtes en train de dire des conneries. J'ai mal aux fesses qui m'a donc dit hors antenne ce qu'il voulait pas que tu entendes. Donc il a dit que c'était les jours fériés. C'était bien les dimanches, les jours fériés. D'accord. Astico. Oh là là. Oh, y a Capitaine Caverne. Y en a un qui se trouve où là ? Y en a un qui se trouve où là ? Dans le trou du cul de la caverne. Ouais, d'accord. Astico. Ouais. Moi d'après ce que j'ai pu savoir au niveau de Météo France, ils ont le droit de tourner quand ils veulent. C'est-à-dire que les jours fériés et les dimanches, ils ont le droit de tourner. Le fait est que souvent. Pendant ces jours fériés et pendant les dimanches, les ouragans mâles ont tendance à rencontrer beaucoup plus de ouragans femelles. Mmh. Et à ce moment-là, ils s'arrêtent de tourner pour justement dévier leur direction et s'arrêter. Et puis, forcément, à la fin, ils s'entendent plus. Et puis alors là, ça repète et ça repart. D'accord. Prout. Je voulais juste savoir si c'était saucu d'avant. Non, pourquoi ? Ok, non, mais je voulais vérifier. Non, mais sinon, on peut savoir aussi si c'est pas Alain Gillot-Pétré. Alain Gillot-Pétré, ça se reconnaît à la voix et à la musique. Alors, Prout ! Ouais. Donc, toi ? Ouais, attends. Celui qui recommence à faire des conneries comme ça, il va se calmer parce que sinon, il va raccrocher. Ça va aller vite parce que ça commence à me plaire depuis tout à l'heure. Ouais. Foutez-vous bien de la gueule des gens. Vous allez voir tout à l'heure comment que je vais pas chercher qui c'est, moi. Ok. Alors donc, Prout, pour toi. Ouais, moi j'avais entendu dire qu'en ce moment les volcans ils étaient en grève parce que à cause des empêcheurs de tourner en rond, donc voilà. Non mais on parle des ouragans, on parle pas des volcans. Ouais bah c'est pareil. Les ouragans étaient en grève en ce moment, j'ai entendu dire ça. Ah ouais d'accord. Ok, TKL. Oui, c'est Bourdon. Je voulais juste te dire un petit truc qui a tout à fait rapport avec le débat, c'est que je suis boulanger, j'ai des miches à pétrir, donc je vais me coucher. Salut. Salut. Gérard, oui. Sur IRC, il y a Suppurator qui te demande comment se déroule la suppuration hormonale d'un ouragan. Oh là là, je sais pas du tout. Hein. Et il me dit aussi que si tu fais un débat là-dessus, il faut savoir de quoi tu parles. Oh bah attends, dans ce cas-là, ils ont qu'à me donner des... Ils te posent des questions et depuis tout à l'heure, tu dis je sais pas. Attends, j'ai pas pu, l'atlas pour tout ça. Hein, je vais pas m'amuser à acheter des atlas. J'ai regardé dans le dico certaines définitions. Je peux pas avoir tout. Hein. Ah ok. T'es quelle, donc, pour finir? Bah, moi, au contraire, je pense qu'un ouragan s'arrête de tourner uniquement si tu lui en, as donné l'ordre. N'importe quoi. Mmh. Enfin, si, moi, c'est mon opinion, donc... Attends, ce qu'il vient de dire, la pauvre fille, tu vas commencer par te calmer, toi, parce que toi, tu m'en fais une belle, pauvre fille. Chacun a son opinion. Tout à fait. Donc, alors, moi, je vais vous donner un petit sondage avant de poser la cinquième. Et toi, ton avis, Gérard, en fait? Bah, moi, personnellement, l'ouragan, bon, bah, lui, il fait ce qu'il veut. S'il veut tourner les week-ends, ça, c'est son problème. Mais d'après les météorologues, en principe, tu peux pas demander à un ouragan de s'arrêter de tourner. Hein. Ça, c'est impossible. S'il a envie de casser tout sur son passage, il cassera tout sans te demander l'autorisation. Ouais, comme, en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'ouragan Mitch. Ouais, aux États-Unis, et puis là, il y a pas si bien... Mitch Buchanan, je crois. Il y a pas si... L'ouragan Gérard aussi. Ouais, l'ouragan Gérard, il t'emmerde, toi. Voilà. Ouais, paraît qu'il a envahi sur elle. Ouais, bah alors toi, si t'es pas content tout à l'heure, tu vas retourner chez toi. Ah, mais bon. Je suis très content. Gérard, j'ai une petite surprise à la place de Bourdon. Mmh. Parce qu'en fait, cet après-midi, on s'est documenté avec Manu, et on a réussi à retrouver le numéro d'Alain Gilot-Pétré. On va lui faire une surprise. Donc il est là ce soir. Bonsoir à tous. Oui, alors demain sur la Bretagne, de la pluie, des giboulées. Sur la Côte d'Azur, de la neige à partir de 37 mètres. Ouais, c'est ça. Et sur la Corse, de la pluie. C'est ça. Alors qu'ils annoncent déjà moins d'eau sur Paris pour cette nuit. Donc ils annoncent de la neige à 37 mètres, alors que la neige elle tombe à 1200 mètres d'altitude. Sur la côte d'Azur, c'est ça. 37 mètres sur la Côte d'Azur, c'est ça. Décrotte les oreilles. On se calme. Moi je voulais dire, j'aimais pas ces coupes de cheveux. Hein. Ouais, ben là, faudrait mais peut-être. Bonsoir. Non mais il est là, Alain Gilot-Pétré. Non mais il se calme. Bon, calme-toi, Alain. Bon, et bonsoir, on a compris, ok? Oui, bonjour. Ouais, bah bonne nuit. Donc, y a, à la question pour ou contre les catastrophes naturelles, il y a 60% des Français n'ont pas le temps de répondre à la question. 30% de Français qui pensent pouvoir le faire chez eux, le faire eux-mêmes. Et là, il y a 10% qui estiment que ce n'est pas le thème du débat. Donc si c'est pas le thème du débat, je ne sais pas ce que c'est comme thème. Gérard, c'est bizarre parce que moi j'en avais un autre. Pareil, la même question, un autre sondage. 55% ont dit, moi les rats de marée, j'en ai ras-le-bol, donc j'ai plus à boire. Je ne peux pas. 40%, mon volcan, il est en éruption quand je mange épicé. Et 5%, non je vais pas le dire parce que ça va être vénère. Ah ben, j'espère pour toi. Donc, la cinquième question, peut-on, à moins qu'il y avait une question IRC, Rigo, avant? Ah, il y en a plein. Hein. Alors, TNT qui te demande si c'est une trompe, l'érection d'un ouragan. Non. Et est-ce qu'on peut faire la vaisselle avec un ouragan? Non plus. Un gant. Oh. Un ouragan? Trop compliqué. Ouais, un gant oura. Bon, avec des moufles. Ouais, mais avec ses moufles aussi. Big up, Gouray. Alors, la cinquième question, peut-on éteindre un incendie de forêt avec une inondation? On va demander ça à Jamal aux fesses. Ouais, tu vois pas me questionner plus tard, il faut que tant que je réfléchisse à la question. Ouais, mais je vais pas coucher 107 ans avec... D'accord, et puis après tu reviens sur moi. D'accord. C'est Alain Gilot-Pétré. Ouais, alors vas-y. Oui, bonsoir, bonjour à tous, bonsoir. Bonjour Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, ça y est, on a compris les bonsoirs, tu vas pas me répéter ça oui, pendant les 10 questions. Hein. Oui, tout à fait, bonsoir. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour les incendies, il faut s'adresser aux trappeurs canadiens et à leurs fameux canadaires. Ok. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Ok, donc on va demander à 6 mois là. Ouais, alors pour les... Oui, bonsoir. Bon, ça y est, on a compris avec ton bonsoir. Bonsoir Alain. Hey, tu vas pas nous faire chier toute la soirée avec tes bonsoirs. C'est à cause de ma nouvelle coupe de cheveux, j'ai fait un coup de soleil. Ouais. Tu peux le calmer, là? Ouais, je le calme. Suce-moi, là. Ouais, quand tu veux. Bon, attends, toi, si tu continues tout à l'heure, tu vas voir comment que je vais faire, moi, avec toi. T'as du courage, quand même. Ouais. T'aimes les spaghettis. Les incendies, tu les éteins en faisant des inondations, en faisant péter les barrages. D'accord, c'est tout ce que tu as à répondre. Bah oui, pour créer une inondation, tu fais péter un barrage, quoi. Tu vas pas danser la danse de la pluie. C'est pas malin. Ouais, bah dis donc. Astico. Ouais, mais bon, moi, t'as éteint le feu, même si c'est pas malin. Ouais, bah de toute manière, ça m'étonnerait que tu peux éteindre des incendies de forêt en faisant péter un barrage. Eh, hein. GG. Oui. Ouais, c'est Pedro, je voulais juste te dire qu'un bon rat de marée, toi, tu pourrais nous faire un rat de diarrhée pour éteindre un incendie, non? Attends, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, là, Pedro? Bah, c'est Pedro, je viens d'arriver, j'ai une ligne spéciale France Télécom. Ouais, ben, carrément enfoiré, Astico. L'opérateur France Télécom, je t'appelle du standard. Ouais, Astico. Ouais, bah écoute, Gérard, dans la logique des choses, il n'y a pas d'inondation quand il y a le feu, quoi. Ouais. Donc déjà là, ta question, elle est stupide. Ah bah alors, si les questions sont stupides, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Non, attends, il y a que cette question-là qui est stupide. Mais alors ? J'ai jamais dit que les autres l'étaient, mais alors celle-là, franchement, elle bat franchement tous les records. Et alors, pourquoi elle le sera pas toute ? Eh ouais. Mais alors, si t'es pas contente dans ce cas-là, pourquoi qu'on t'a sélectionné ? Tu peux me le dire ? Ah, tu peux pas répondre, là. C'est moi la maline. Elle a dû citer. Oh, Gérard. Astico. Ouais, bah, je suis là. Et alors ? Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas d'inondation quand il y a un incendie. Non, mais attends, tu me parles sur longtemps, sinon tu vas dégager, toi. Ouais, tu parles pas comme ça, mon pote GG. Ouais. Prout. Ouais. Prout GG. Bon, allez, on arrête un peu là. On se calme. On fait un peu la diarrhée. Allô. Prout. Ouais. Ouais, moi je pense qu'on peut éteindre les incendies qu'avec les lances de pompiers. Et autrement, on peut éteindre avec les lance-roquettes. Non, mais attends, justement, les lance-roquettes, c'est avec ça que tu les déclenches. Ouais, mais des lance-roquettes à eau. Ouais, mais non, je pense pas que ça existe, comme ça. Hein. Non, je pense pas que c'était. Excuse-moi Gérard, c'est Fildar, je voulais te demander, on éteint pas les incendies avec des Canada Dry là ? Non, pas du tout. T'es quel, pour terminer ? Ouais, que oui, justement, faut surtout ne pas faire attention de ne pas noyer les habitants pour éviter qu'ils se noient. Ah d'accord, non mais là c'est pas... ça c'est t'as été chercher ça dans quel magazine ? Bah, dans Spirou Magazine. Ah non, mais moi je crois que t'as dû trop fumer la moquette et puis t'as dû regarder ça dans Puffé Hercule mercredi. T'aurais dû garder qui c'est qui a pas répondu? Ah ben, j'ai mal aux fesses maintenant. Ouais, bah j'ai réfléchi, bon, en fait je m'en fous quoi. Ah bah tu t'en fous alors. Bah tu vois, j'ai mal aux fesses. Oh, j'ai mal aux fesses. Ça ira mieux, Gérard. J'ai mal aux fesses. Oui, bon, je sais pas. Oh, essuie-toi. Ouais. Tu t'en fous? Mets de la crème. Ouais, bah, non, mais en fait, les incendies, je m'en fous un peu, quoi. Ouais, bah, tu t'en fous. Bah, moi, j'en ai rien à foutre comme tu réponds mal, alors tu... Moi, j'ai pour moi, je m'en fous. Tu patientes. Attends, Gérard, attends, écoute-moi deux secondes. Si jamais il y a une question, je m'en fous, j'ai quand même pas dire n'importe quoi, je te dis que je m'en fous de cette question. Et alors, bah, dans ce cas-là, si t'en as rien à foutre, pourquoi qu'on te sélectionne aussi? Mais non, mais l'autre question m'intéresse. Non mais attends, si celle-là te fait chier... Eh ben je te le dis. Donc dans ce cas-là, je vois pas pourquoi t'as répondu bien aux quatre premières et que la cinquième t'emmerde. Là je n'ai pas d'avis, je connais pas les incendies, je vais pas te répondre n'importe quoi. Mais attends, dans balance. Attends, tu réponds n'importe quoi, tu fais comme tout le monde, c'est tout. C'est tout. J'ai mal aux fesses. C'est clair. Tu crois qu'on s'y connaît, nous? Tu fais comme les autres. Bah j'ai pas d'avis, je réponds rien, c'est tout, je fais un débat correct, c'est tout, voilà. Non mais moi je peux te dire une chose, que t'habites du côté de Valence, donc t'es pas loin de Marseille, ouais. Fais-moi confiance que des incendies de forêt, il y en a quand même eu pas mal cet été chez vous. Ah bah j'en ai pas. GG, oui. Ouais, c'est Pedro, je voulais savoir. Non Pedro, je te connais pas toi, alors salut. Et puis, je suis le mec de France Télécom, je t'ai dit. Ouais mais moi je te connais pas, donc... Je voulais savoir, on parlait des pompiers, c'est vrai. Sur le répondeur de Gérard. C'est vrai Gérard que t'es le roi des pompiers? Toi, t'es le roi des cons, c'est pas pareil. Peut-il y avoir des incendies de forêt dans le Sahara? On va demander ça, j'ai mal aux fesses. Il va me dire qu'on fait passer les autres, ça va... Non, le Sahara, bah, en fait, bah, je pense que ouais, ça dépend s'il y a trop de soleil, en fait. Ouais, non, mais attends, j'ai mal aux fesses. C'est pas con ce qu'il a dit. Ça dépend s'il y a du soleil. Mais est-ce que t'as déjà vu des arbres au Sahara? Bah pourquoi tu te poses la question? Bah ouais, alors. Et alors, pour savoir ce que vous allez répondre, okay, bande de nazes. Vous êtes tout naze. Hein. Bah en fait, je pense que... Et en plus, il y en a des arbres au Sahara, hein, Gérard, il y a des oasis. Gérard, ouais. À ce propos, il y a Yako. Il y a des fruits. On se calme là derrière. Ouais. Il y a Yako sur l'IRC qui te demande à quelle température le sable prend feu. Le sable il prend pas feu, hein, tout de même. Bah si, il y a des incendies dans le désert. Non, il y a plutôt des tempêtes de vent. On va demander à monsieur Gilles Lopétré, il sait peut-être mieux. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça y est, on est bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors tout à fait, il faut savoir que les dunes sont inflammables. Mm-hmm. D'ailleurs, les autorités du Sahara sont en train d'essayer d'inifuger, si Gérard comprend le mot, les dunes dans le Sahara. Pas de marque. Ah, pardon, excusez-moi. Et donc, tout à fait, les feux ravagent le Sahara, oui, tout à fait, demandez aux scorpions et aux cactus, ils vous le diront. Attendez, stop, là, j'ai oublié de préciser quand même un truc là, parce que j'ai pas répondu là. Peut-on éteindre un incendie de forêt? T'as pas répondu, Gérard, la question là. Ouais, mais justement là, j'ai récupéré un truc, donc c'est des. Non, mais c'est même pas c'est ça. C'est quoi, une shot piece, un truc? Non, mais. Ben, je suis en train de chercher, mais je l'ai pas. Ah, ben, je l'ai pas. La question. Bah, bien. Regarde bien en fin de ton slip. Non, mais je l'ai pas. Donc, c'est ce mois-là. Oui. Non. Donc toi? Il n'y a pas d'incendie dans le Sahara, parce qu'il n'y a pas de pétomane dans le Sahara, donc ils ne peuvent pas mettre le feu au forêt. Il n'y a pas de? De pétomane. Les pétomanes. C'est quoi ça? C'est les mecs qui mettent le feu. Tout à fait. Ouais, non mais pourquoi? Parce que tu penses qu'il y en a dans d'autres villes. Bah ouais. Sûr, tu sais, dans le sud de la France, c'est les pétomanes qui mettent le feu au forêt. Il n'y en a pas dans le Sahara, des pétomanes, c'est interdit. Non mais moi je peux dire quand même je vais vous dire répondre après sur cette question là. Astico. Oui, moi effectivement je pense qu'il y a des incendies dans le Sahara. La preuve, il y a plus que du sable maintenant. Non mais attends, on vient de dire avec Gemma Lopez qu'il n'y avait pas d'arbres. Donc je vois pas. Il y a des arbres. Non, il n'y a pas d'arbres. J'ai vu. Ici. Ok. Prout. Ouais. Moi j'ai passé mes vacances au Sahara l'année dernière. Ouais. L'été dernier. Moi j'ai vu que je voulais dire que la chiasse de dromadaire c'était inflammable. Donc à ce propos, quand t'avais des sultans qui se baladaient dans le Sahara, qui mettaient le feu à la chiasse, ça prenait feu et on pouvait facilement l'éteindre avec des bangas. D'accord, ben, c'est bien parce que toi, si tu continues à dire des conneries comme ça, tu vas même pas finir. Mais je te raconte la vérité. On va demander à Tekel. Non, je pense pas, parce que comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de forêt, donc à moins que ce soit provoqué. Ok, ben moi je peux vous dire... ça commence à bien perdre, là, vos conneries derrière. Merci. Tekel, elle a cuit d'un club. Alors, Tekel, à ton merde. Tekel, c'est une catastrophe naturelle, une catastrophe tout court. Tekel, c'est une catastrophe semi-naturelle enrobée d'une secousse. Je t'en prie, Gérard, dis pas tout. Plus ou moins brutale, qui ébranle le sol. Tremblement de terre, voilà ce que je pouvais dire. Merci, Gégé. Allez, je peux répondre à la question. Allez, vas-y. Et toi, la grosse, fouille-toi la tête de peignard, frère. Vas-y, remue-toi. Tu vas pas comme ça, mise. Non, mais je t'ai déjà répondu, Gégé. Non, mais moi, je voudrais répondre. Donc, peut-il y avoir des incendies de forêt ou autres dans le Sahara? Donc, je pense pas. Donc, pour préciser à celui qui me posait une question qu'il y avait des pitomanes qui... Oh, attends, si t'es pas content, toi, tu dégages, ok? J'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer, ok? Toi-même! Toi, tout à l'heure, je vais te péter la rondelle, tu vas tourner au standard, quoi! Alors, donc, pour répondre à la question. Oh, ta gueule un peu, toi, tu m'emmerdes avec tes conneries. Donc, pour dire que s'il y avait des pitomanes, de toute manière, normalement, dans les forêts. Donc pour préciser à cette personne qui m'a posé cette question, qui disait qu'il y avait ça, c'est qui? C'est moi. Donc moi je peux te répondre que normalement dans les forêts, t'as des panneaux comme quoi que c'est interdit de fumer. Ouais, mais c'est et de se balader avec des bouteilles, des réchauds ou autres. Mais justement, les pétomanes, ils s'en foutent. Ils La loi. Attends, bon, ça y est, on a fait le tour, Rigo, oui. Oui, il y a Davy One qui te demande comment font les pompiers pour éteindre les incendies de volcans. Le volcan, tu peux pas les éteindre. Hein, tu peux pas non, éteindre... mais tu peux éteindre l'incendie qui est provoqué par un volcan. Ça dépend parce que vu que la lave est chaude, vu que la lave est quand même assez brûlante, donc à mon avis, je pense pas qu'ils puissent avoir accès directement là-dessus. Bah, ils prennent un parachute, ils se mettent tous autour et puis ils pissent, puis c'est bon. Mais c'est ça. Et toi, tout à l'heure, tu allais pisser au standard, tu vas voir. Ah non, ça va puer après. Non. Grosse envie en plus. Question. Alors. Allez. Prendre l'avion, non. Peut-il? Oh, ça y est. C'est la septième là, Gégé. Oui, c'est la septième. C'est la septième question, magnifique. Alors, prendre l'avion, peut-il faire une tempête de neige, celui qui commence... Pour la catab, Voilà. Non mais attends, c'est qui cette espèce de petit con là? C'est là, tu gères un peu le standard. Et donc, on va s'écouter la grosse bourrée avec Josette la Cossonnet. On se retrouve tout de suite après au 0870-5000 et 0800-3-08-5000. Et toujours l'IRC ou que Rigo vous attend. Et ouais. Au standard. Ouais. Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, donc de retour pour la suite et la fin des catastrophes naturelles, 1h28. Et donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000, toujours Phil Darro standard qui vous attend. Rigo, bonsoir, je vous attends au standard. Rigo sur l'internet, donc... Ouais, et d'ailleurs, je voulais quand même dire qu'on est 2584,2... Ah, hein, combien ? 2584,2. Allez, tout le monde debout, là. D'accord. Et on va bientôt battre le record, je pense. Bravo, Gérard. Et donc, on venait de s'écouter la grosse bourrée avec Josette Lacochonne. Et on va récupérer pour continuer les débats. J'ai mal aux fesses. Bah, mets de la vaseline. Ouais. Oh, ça faudra peut-être te réveiller quand t'appelles. Bah, en fait, ça dépend de la taille des hélices. Parce que s'il y a des grosses hélices, ça peut faire bouger la neige et ça peut faire des tempêtes de neige à la fin. Non, mais attends, hey, j'ai mal aux fesses. Ouais. Qu'on te dit bonsoir. Ah, il y va cash. Hein. Qu'on te dit bonsoir, on te demande si t'es toujours là, tu réponds oui. Hein, tu réponds pas à la question maintenant. Bonsoir. Alain Gilles Pétrole. Bonsoir. Suce-moi là. Oh. Allô, oui, bonsoir. Merci. Suce-moi là, toujours là. Toujours là. Astico. Oui. Prout. Oui, bonsoir à tous. Et Tekel, pour terminer. Salut. Salut. Bravo. J'allais roter, mais je me suis retenu. Alors, donc, Je te rassure, t'as roté. Hein. Bon, alors, donc, vous avez compris la question. Donc, j'ai mal au fesses, t'as déjà répondu, donc c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Donc, voilà, Katob. Oh, t'as du genre, là, toi, Trablo. Alain Gilles Petré. Oui, vous pouvez répéter la question, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Bonsoir, bon vent. Bon vent, alors, prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? Je ne vois pas du tout le rapport. Bah, moi, faudrait peut-être répondre à la question. Ok, bah, d'accord, c'est super. Expliquez-vous dans quel sens? Bah, c'est bon, c'est ce point-là. Ouais. Ça dépend si tu voles dans les cunilingus, là, je sais pas quoi. Dans quoi? Dans les cunilingus. Non, les cumulopinus et les cumuloanus. Ah ouais, d'accord, je croyais que c'était les cunilingus. Ouais, bah, un cunilingus, c'est pas du tout pareil. Non, je confonds. Un cunilingus, c'est... C'est quoi? C'est un cunilingus. Non, mais attends, il y a trop de jeunes encore qui écoutent pour ça, hein. C'est quoi un cunilingus? Astico. C'est quand tu bouffes la chatte. Astico. Ouais, tu peux me répéter la question parce que j'étais en train de changer mon tampon. Oh là là. Ouais, tu commences à me convaincre. Toi, les asticots, tu commences à me gonfler. Ça coule grave. Parce que si t'as Terra Gnagna dans ce cas-là, tu raccroches ton téléphone et tu machines Terra Gnagna. Elle te gonfle l'asticot. Ouais, parce que ça commence à me gonfler. Eh, t'as qu'à mettre des serviettes, hein. Alors, pour Astico qui commence à nous les casser. Oui. Alors, pour la dernière fois que je répète la question, prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? Non, je ne pense pas. Alors, tu peux t'expliquer? Non. Non, bah, t'argumentes ou tu dégages, hein. Bah, alors, dans ce cas-là, tu vas faire une chose, tu vas garder ton tampon bien entre tes jambes, et puis on va te dire bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, bonne nuit, Astico. Bonne nuit. Alors, Prout. Prout. Ouais, moi je pense que les hélices de l'avion peuvent provoquer des tempêtes de neige. Surtout. Oh, mais vous vous tenez derrière là ou quoi? Ou sinon j'ai mal aux fesses, tu as dégagé. Bonsoir. Alors, Prout. Ouais, je viens de dire que les hélices de l'avion peuvent provoquer des tempêtes de neige avec le vent et. Et voilà, en plein été c'est possible. D'accord, t'es quel? Oui. Je pense que oui, parce que si l'avion s'écrase avant même qu'on l'autorise à atterrir, je pense que oui. Oh la gogole. Allez, prout, t'es vraiment une conne. Hein. Alors, j'ai mal aux fesses. Si j'ai mal aux fesses, garde ton matricule, toi. Pourquoi? Ouais, tu vas voir. Donc, tu voulais rajouter quelque chose, Tekel? Non, c'est ma réponse. Ah, ok, ouais. Ben, moi, c'était ma question. Donc, une question IRC, Rigo? Oui, apparemment il y a Super Ouragan qui connaît Tekel, alors là je suis épaté, et il demande combien il y a de tempêtes de neige dans le cerveau de Tekel. Alors dans le cerveau de Tekel, bah, on peut ça dépend lequel, parce que des Tekel il y en a eu pas mal, hein. Tu vois, regarde bien. Je vois pas comment. Je crois qu'il y en a, il y en a 5. Il y a eu Tekel Sardou, il y a eu... Donc, ici, on joue à Tekel 3, quand même. Ouais, Tekel 3, qui c'est qu'on récupère à la place de... Je cherche sur les 24 lignes, Gérard. Okay. Ça sonne. Moi, je dis que Tekel, elle se prend des tempêtes de neige quand elle se prend des giclées dans la figure. Donc, moi, je peux vous dire une chose, que prendre l'avion peut-il faire une tempête de neige? En principe, non, parce que déjà, quand il y a de la neige, ils ont déjà du mal à voler, à décoller. Ouais. Donc pour ça il y a des services des aéroports qui sont spécialisés dans tout ce qui concerne la neige sur le ils font sur quoi, la piste, ils la dégagent et ils mettent pour éviter que les réacteurs gèlent, ils ont un produit spécial qui leur mettent dessus la nuit pour ils foutent dans les réacteurs du produit spécial. Non mais sur la c'est de l'antigel. Non un genre d'antigel qui mettent dessus. Donc okay. Oui. Ça s'appelle le tempête de joie. Est-ce que tu penses que quand il neige trop, une fois que les avions ils se mettent à givrer, comment ils font quoi pour le redémarrer quoi? Parce que s'ils restent givrés. Non mais attends, t'es borné ou quoi toi? Non. Non mais je crois que on vient de le dire. Je viens de le dire ce qu'ils faisaient. Attends, toi, si tu t'en bats les couilles, tout à l'heure, tu as dégagé, toi. Tu vas pas me faire chier longtemps, hein. Bon, Gérard, à propos d'avion, il y a Davy One qui te demande si c'est pas dangereux d'aller aux toilettes dans l'avion pendant que l'avion fait un looping. Quand on était à New York avec Tekel, J'ai jamais eu l'occasion. Elle va être jalouse sans dire. J'ai jamais eu l'occasion d'aller aux toilettes pendant le vol. Si tu tombes dans le trou. Avec elle. Attends, tu passes pas. Attends, 5 minutes toi, au lieu de dire des conneries là, qu'est-ce qu'il y a, Tekel? Non, si tu tombes dans le trou, c'est normal. Hein. Non, mais attends, tu tombes dans le trou déjà, je sais pas où t'atterris. Bah oui, mais dans les toilettes de l'avion, il y a forcément un trou quand tu fais caca, donc. Oh, t'es dégueulasse. Oh là là. Mais toi, de toute manière, faudra peut-être arrêter. Voilà, quand tu fais tes besoins, voilà. Ouais, ben, toi, arrête de fumer la moquette ou fume bien la moquette, hein. Non, mais je vais m'occuper de ton matricule tout à l'heure, toi. Gérard, excuse-moi, à la place de Astico, ouais. On a Lou de Nez. Oui. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, Lou de Nez. Bonsoir à tous. Donc, t'es Lou, toi? Moi? Non, pas ta sœur. Je suis d'ici et d'ailleurs. Elle habite à Narine. Non, elle est d'ici les Moulineaux, pas d'ici et d'ailleurs. Donc, région parisienne, 101.9 FM, elle a 21 ans. Et 21 ans, ok. Donc, alors, pour toi, je répète la question, comme tu étais au standard. Donc, prendre l'avion, peut-il faire une tempête de neige? De quoi, moi? Attends, mais tu commences à me les gonfler, toi, avec le répondeur, là. C'est le répondeur? Non, c'est quoi, là, qui est en train de bouger, là, depuis tout à l'heure, que tu es en train de me mettre en vert? Alors, c'est le répondeur. C'est le répondeur. Bah non, c'est pas en vert. Bah oui, c'est en vert. Bah ouais, mais c'est le répondeur de en vert, ça. Connard. Ta gueule, moi, je t'emmerde. Moi, je t'emmerde, Louné, donc, pour continuer, là. En fait, moi, je pense que les tempêtes de neige, quand on est dans l'avion est en haut, et la tempête de neige commence plus bas. Donc, forcément, il n'y en a pas dans l'avion. D'accord. Ok. Donc, huitième question. Est-on assuré lors des inondations à Suresnes? Non, assuré. Est-on assuré, abruti, pour Suresnes? C'est où, Suresnes? Assuré! C'est où? Oh là là, c'est dans le nord de la France, je crois. C'est où, Suresnes? Hein? Dans 971, du côté de la Guadeloupe. Ouais. Est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? On va demander à... J'ai mal aux fesses. Répète bien la question. Assuré, on me demande que tu répètes la question. Est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? On va demander à J'ai mal aux fesses. J'ai pas bien entendu. Oh non, mais attends, t'es bouché, toi aussi? Bonsoir. Salut. Bonsoir. Oh, mais ça y est, là, le bonsoir, on a compris. Gérard, tu parles trop vite, là. Oui, bonsoir. Alors, je répète, est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? Ça dépend. Bon, alors, on va demander c'est qui. D'abord. Bon, alors, moi, j'ai dit que ça dépend quelle bouée c'est. Non, attends, il y a une question IRC déjà pour commencer avant. C'est pas une question, on me dit que Tekel, elle a pas à répondre parce qu'elle a déjà une bouée naturelle. Ah bah, elle répondra et c'est tout. Si ça plaît pas au mec de l'IRC, qui se calme. Attends, mais même alors, Gemma Lopez. Ils sont quand même 2852. Ouais. Oh là là. Gemma Lopez. Oui, Gérard. J'ai mal aux fesses. Oui, mais on a compris qu'on doit jouer aussi. Et de la crème. Putain, mais tu vas répondre à la question correctement ou tu vas virer, toi? C'est quoi comme genre de bruit, Gérard? Bon, allez, dégage, hop, car mieux pour toi. Ce coup-là, tu me les casseras plus. Alain Gilot-Pétré. Oui, bonsoir. Je voulais dire que une fois, j'ai été inondé dans ma salle de bain, j'avais pas de bouée. Ouais. Et j'ai pas été remboursé par l'assurance. D'accord. C'est ce mois-là. Okay. Ouais. Bah, ça dépend, parce que normalement, ouais, faut avoir deux bouées chez soi. Si on, quand tu dis si on n'est pas assuré, si on n'a pas deux bouées, bah non, si on n'a pas deux bouées, on n'est pas remboursé. Non, mais j'ai dit. Deux bouées, t'es pas remboursé, il faut en avoir deux. Ah, d'accord. Ok. Louné. Ouais, et ben en fait, ça dépend si la bouée, elle est gonflée ou si elle n'est pas gonflée. Si elle est gonflée, c'est bon, ça marche, les assureurs sont d'accord, mais si elle n'est pas gonflée, ça ne marche pas. D'accord. Croûte. Ouais, ça dépend depuis quand t'es assuré. Si tu fais du canoë kayak, c'est bon, t'as pas besoin de bouée. D'accord. Et qui c'est qui me manque? Ah bah t'es quel? Ouais, effectivement, certaines personnes veulent être assurées, mais uniquement si on les aide à nager. Ouais. Ouais, non mais même si on les aide pas à nager, donc est-ce qu'on peut les assurer? Bah je pense aussi, hein. Tu penses? Tout dépend de la personne. Hein. Mm-hmm. Si la personne a les possibilités de nager ou pas, ça dépend. Hein. GG. Oui. Je voulais dire que c'est Pedro, là, c'est le mec de France Télécom. Je voulais dire que Tekel, même avec une bouée, avec le poids qu'il a fait, c'est clair et cool. Hein. Mais bah, Tekel, attends, merde, Pedro. Voilà, d'abord, tu peux pas savoir quel poids que je fais. Hein. Non, je t'ai déjà vu. Ouais. T'as pas besoin de bouée, elle a du bon. Je vais pas te rater, tu prends la bouée. Moi, je t'ai jamais vu, mais je pense que tu dois pas être beau à voir. Hein. Mais non, mais. Oh, ça y est, c'est terminé, là, parce que ça commence à m'énerver. T'inquiète pas, je te surveille, toi. Alors, à la question, faut-il être catastrophique pour naturaliser? Alors là, je suppose il y a 100% Français qui n'étaient pas chez eux quand nous les avons appelés pour ce sondage. Mais c'est quoi ce sondage-là de naze? Ah. Bah, ils ont c'est quoi ça? C'est à Rigaud, c'est sur Internet. Je les ai récupérés sur le net, sur un site sur les catastrophes naturelles. Et apparemment, bah, tous les gens, ils ont appelé plein de gens pour cette question et les gens n'étaient pas chez eux. Ouais, hein. Il est bien ton sondage. Ouais. Alors, huitième question. Huitième, on vient de la faire. Ouais. Gérard, juste avant que tu poses la question, justement, on accueille à la place de J'ai mal aux fesses, Carambar d'Angoulême. Bonsoir. Bonsoir, ouais, Carambar. Bonsoir, Marie. Bonsoir, monsieur Georges, du 20e arrondissement. Bonsoir à tous. Dis donc, Gérard, tu me demandes pas comment ça va, moi? Salut, Carambar. Tu me demandes pas comment ça va? Comment vas-tu? T'en sais rien, t'as pas regardé ce matin? C'est ça? T'inquiète pas, tu me le feras pas à moi. Ouais, donc, bon, tu peux me répéter parce que moi j'étais avec la personne. Avec Fildard. Donc, voilà. Est-on assuré lors des inondations quand on n'a pas de bouée? Voilà la question. Bah, quand par exemple, Théolie avec Sandy, bon. J'ai coupé. Voilà, bah, c'est bien. Bah, en lui, ça a été vite fait. Donc, 9e question. Oui, Gérard? C'est oui. Qui? Oui, bonsoir, c'est Alain Gilot-Pétré. Je voulais juste vous dire bonsoir parce que j'ai une météo à présenter demain matin, donc il faut que je me couche. Ok. Bonsoir. Salut. Bon vent à toi. Alors, 9e question. Un politicien est-il considéré comme une catastrophe naturelle? C'est qui? C'est Carambar, je me suis calmé, c'est bon. Bon alors vas-y, alors dépêche-toi. Un politicien est-il considéré comme une catastrophe naturelle? Ben, je sais pas, alors qu'est-ce que t'en penses, perso? Non, mais attends, tu réponds à la question, parce que... Ouais, une catastrophe naturelle, je trouve que la politique, c'est une catastrophe, de toute façon. D'accord. Voilà, bah voilà ce que je voulais entendre. À la ligne. Voilà, alors, suce-moi là. Ouais, je pense que les mecs de droite sont des catastrophes naturelles, mais bon... Ouais, encule ton qui? C'est une idée d'un peu. Complètement un starbé, celui qui s'amuse à faire ça derrière. Louné. Ouais, ben moi je pense que c'est ceux qui votent qui sont considérés comme catastrophes naturelles. C'est ta merde! C'est les gens qui votent qui sont considérés comme une catastrophe naturelle. Ok. Prout! Ouais. Ouais, moi je suis d'accord. D'accord. Oh, ben, c'est ça ta réponse? Ouais. Non, mais plutôt le samedi et jamais le lundi. Ouais, d'accord. Tekel, pour terminer? Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que les politiciens, il y a aussi les animateurs. Moi, ouais, je pense aussi, mais je pense que les animateurs, ils ne sont pas considérés comme catastrophes naturelles. J'en ai pas encore connu quelques-uns. Bah, ça dépend qui, hein? Bah, si, je pense qu'il y a déjà toi, déjà. Ah bon, bah, c'est ça, merci. Ah, attends, bravo, ça. Alors, allez, toi, dégage. Et que la vérité qui baisse. Toi, tu vas voir, toi. Attends. Elle a raison, Ouais, vous allez voir. Faire l'amour, c'est la dernière question. Après, on fait la conclusion parce qu'il est déjà 1h42. Et... Non, c'est bon, on a le temps. Ouais, bah attends, t'as le temps, toi, mais pas moi. Alors, faire l'amour provoque-t-il un tremblement de terre? Voilà, et on va demander, ben, 40 bars. 40 bars. Fildard. Tu l'as viré, Gérard? Je vais te dire ouais. Non, 40 bars, je ne l'ai pas viré, c'est pas 40 bars que j'ai viré. Non, c'était quel, c'est le boudin. Attends, le boudin, il t'emmerde, toi, connard. C'était quel, on dit que c'est un boudin, normalement, pour ce chien-là, pour cette race-là, tu vas pas t'énerver, c'est vrai. Bon, tu réponds à la question. Je vais te dire ouais, je vais te dire ouais. Tu tiens ça, s'il te plaît, ouais. Je vais te dire ouais, Gérard. D'accord, c'est ce soir-là. Oui. M'inspire pas, toi. Ouais. Bah oui. Bah oui. Je vais te dire ouais aussi. Bon, mais alors, si vous répondez tous comme ça, sans me donner d'explications, je pense qu'on va faire la conclusion tout de suite. Parce que c'est parce que t'as jamais provoqué tremblement de terre en faisant l'amour, mais si t'avais connu ça, tu poserais même pas la question. Non, bah, de toute manière, des tremblements de terre, il y en a pas des masses en ce moment. Hein. Il y en a dans d'autres pays, mais pas par ici. Tu sais, il y a eu des secousses dans le sud de la France, je crois, il y a pas tellement longtemps. À Suresnes, c'est Yvan Lefrisa qui s'est énervé sur ta porte. Prout ! Ouais, moi je pense que c'est possible parce que j'ai vu sur un site internet www.bulldogdesuresnes.fr. Alors, Prout, c'est terminé pour toi. Pidard, s'il te plaît, merci. C'est quel terme pour finir ? Oui, donc, effectivement, parce que je pense que oui, parce que mon copain, quand il me fait l'amour, tu crois qu'on va vous laissez parler les gens, s'il vous plaît. La maison s'effondre presque toutes les semaines. Et c'est à cause de ton poids. T'es quel, il paraît que ton copain, il jouillait pas. Lounné. Bah écoute, quand on a un partenaire comme Tekel, je pense que oui. Bah il montait sur moi. D'accord. Question IRC, celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça, ça rigole ouais, sur IRC. Alors on parle de tremblement de glaire lors de fellation. Et il y a Oxide qui demande si les bombes atomiques de l'armée sont-elles des catastrophes naturelles. Ben je pense que oui. Voilà, je peux, ça tout, bien. Je peux lui répondre oui, à mon avis. Voilà. À ton avis. Bah, voilà. Autres. Alors, conclusion, 40 bars. Une grosse bite ? Ah ben non. 40 bars, tu... Ouais, je veux dire. Non, je veux dire, je suis malade. J'ai, je suis dépressif, bonsoir. Salut. Voilà. Salut. Suce-moi la conclusion. Suce-moi la conclusion. Bon ben Gérard, c'est quand tu veux. C'est tout. Bon, tu fais ta conclusion ? Bah, c'est quand tu veux. Quoi ? Voilà, c'est ce mois-là, quand tu veux. Bon, voilà, tu vas foutre, toi. Lounné ? Ça fera trois commentaires. Pourquoi ? Parce que. Alors. Sinon, tu vas me virer, alors je préfère rester sur ma position, c'est-à-dire sans commentaires. D'accord. Je vais approfondir un peu plus. Je sais, tu vas me dire comme toutes les semaines que mon débat n'a ni queue ni tête, c'est ça ? Bah attends, c'est la première fois que j'interviens sur l'antenne, alors je vois vraiment pas pourquoi je pourrais te dire ça toutes les semaines. Et alors, dans ce cas, quand je te demande la conclusion des catastrophes naturelles, tu l'as fait, c'est tout ? Bah je viens de te dire, c'était nul. D'accord, bah je m'en doutais. Prout ? Ouais, encore un débat tout naze avec des questions toutes nazes, sans pour autant être aussi chiant qu'on pouvait le penser. Ah ben, si ça vous plaît pas dans ces cas-là, vous faites une chose, vous écoutez la radio et puis on vous sélectionnera pas. J'ai une conclusion de Delight sur IRC. Alors, il dit que quand le sable brûle, ça provoque de big catastrophes et on est obligé de pencher la terre pour éteindre les incendies provoqués par les avions qui s'écrasent après avoir provoqué des tempêtes de neige. C'est compliqué peut-être pour Gérard. Ouais, c'est vachement compliqué pour moi. Bah, alors attends, il résume. En conclusion, ton débat c'est de la merde. Ouais, bah c'est bien. Tekel pour terminer. Donc très bon débat et puis faites attention parce qu'il va y avoir beaucoup de tempêtes surtout en ce moment. D'accord, bah moi je t'en prépare une pour tout à l'heure, toi. Tu vas voir, ouais, bah c'est quand je veux ou tu veux, tu vas voir la tempête de neige que je vais te faire, toi. Sur les catastrophes naturelles, le premier débat, c'était dans l'ensemble plutôt pas mal, ça s'est bien passé. Pour une fois que Pilar, il a bien fait son boulot. Pour une fois, on va voir le deuxième débat, mais je pense que le deuxième débat va être aussi bien que le premier, je l'espère. Donc on va se retrouver pour le deuxième débat qui va porter sur les moyens de communication. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000, et toujours www.funradio. Voilà. Tout à fait. Attends, je regarde vite fait. Ah, on a dépassé les 3000. Combien 3242. C'est joli. Oh la vache. Sur un débat ? Ouais. 3356 maintenant. Ah bah d'accord. Et ils tiennent tous sur un écran ? Non, malheureusement, on se débrouille. On fait ce qu'on peut, d'accord. Donc là, on se retrouve tout de suite après, donc pour le deuxième débat. Qui portera sur.